Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur en tête du 94 MHz. Ça c'est pour le direct le lundi à partir de 21h30 et des poussières, ou à partir de son blog asile35.blogspot.fr pour le podcast, les playlists et pas mal d'autres choses encore. Et donc on attaque ce passage en revue, on pourrait même dire au crible des nouveautés du côté des musiques de traverse, avec le duo britannique Space Heads, avec lequel nous avions attaqué l'année 2016, et leur précédent opus qui était sorti fin 2015, début 2016, s'intitulait Short Ride on the Arrow of Time. Les Spaceheads qui existent depuis le début des années 90 et qui sortent des albums à intervalles réguliers. Celui-ci n'est que le 12e, ce qui m'étonne pratiquement. Il s'intitule Laughing Waters, et Spaceheads c'est le duo entre la trompette processé de Andy Diagram et la batterie de Richard Harrison. Andy Diagram étant notamment le monsieur qui accompagnait David Thomas au sein des Two Pale Boys aux côtés de Keith Moliné, en tout cas quand ce projet existait. Et Spaceheads continue sa route. On avait eu l'occasion de les voir il y a au moins pratiquement 20 à 25 ans de ça en arrière. Et donc ils continuent avec parfois des contributeurs, notamment pour ce nouvel album. Ils ont invité Vincent Berthollet de l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp à la contrebasse, qui les rejoint sur deux titres, je crois, notamment celui qu'on va écouter, qui est le morceau qui introduit cet album, le morceau éponyme ou titre Laughing Waters. Et vu tout ce qui est tombé ces derniers jours, ce sera une très très belle introduction à l'asile de cette semaine. On écoute les Spaceheads avec ce Laughing Waters. We'll be right back. every morning. Oh, re-rise at 6:30 on Sunday. He's goat is having trouble. Ori sighs, there's no milk for his coffee. Ori fries some bacon for his breakfast. Ori fries a fish cake for his tea. Ori flies a nightie in his wingnut. Ori flies to the moon when he's awake. Ori tries his best to be a farmer. Ori takes his sheep on holiday. Ça surprend ce morceau qui se termine un peu en eau de boudin, on pourrait dire, des Reynaldo and the Loaf, le fameux duo britannique qui reprend du service avec un tout nouvel opus, le premier depuis quasiment 30 ans. Il s'intitule Gurdy Herding. Il fait suite, on pourrait dire, à la redécouverte de cette formation, notamment par les éditions Klang Gallery. On vous avait proposé au mois de septembre, notamment des pièces de la deuxième moitié des années 70, des tout débuts de ce projet assez innommable et assez bizarroïde qui était paru sous le titre de Behind Closed Curtains. Et un auditeur, Fab de Montreuil, que nous saluons d'ailleurs puisque c'est un auditeur très régulièrement à l'écoute de l'Asile le plus sûr, nous avait signalé la sortie d'un nouvel opus des Reynaldo and the Loaf, et donc effectivement c'est chose faite depuis cet automne. C'est le grand retour donc de la formation qui a notamment collaboré aux côtés des Residents à partir du début des années 80, constitué de David Jansen alias Ted the Loaf et Brian Poole alias Reynaldo Malpractice ou Reynaldo M, qui ont sorti une petite ribambelle de disques. Ils ont un petit aura un peu mythique, en tout cas en ce qui me concerne, une demi-douzaine d'albums au compteur, notamment le brillantissime Songs for Swinging Larvae, qui était le disque qu'ils avaient fait connaître aux éditions Ralph Records. Et on retrouve à peu près tout le registre musical de ces deux musiciens, qui ne doivent pas être tout jeunes, hein. Je pense qu'ils ont une bonne soixantaine d'années au compteur, et vu les photos qui traînent sur Internet, qui sont assez dada, effectivement, ils ont l'air déjà d'un âge assez mûr, mais la musique qu'ils pratiquent est toujours aussi fraîche dans les détournements, le côté un peu cartoonesque, collage sonore et des voix traficotées dans tous les sens. Reynaldo and the Loaf, Gurdy Herding, donc nouvel opus, production vinylique, un album plutôt bon de bout en bout, et quelques titres un peu plus faibles, bien évidemment, mais dans l'ensemble, c'est le Reynaldo tel qu'on l'aime. Et juste avant les Reynaldo and the Loaf, on écoutait la rencontre Space Aids et Vincent Berthollet. Space Aids, le duo Andy Diagram et Richard Harrison, qui rencontrait le contrebassiste de l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp sur leur dernier opus qui s'intitule Laughing Water, qui vient tout juste de sortir. Il sort cette semaine très très exactement en CD et en téléchargement. Et Vincent Berthollet, vous pourrez le retrouver aux côtés de Simone Aubert dans le projet Hyperculte aux 38e rencontres transmusicales, avec cet après-midi focus autour de la scène suisse où vous retrouverez notamment Sandor et Pyrite. Ce sera à l'UBU le 2 décembre à partir de 16h et c'est gratuit, donc évidemment il faudra arriver assez tôt pour pouvoir se déhancher au son de Hyperculte. On va continuer avec un musicien dont je suis Red Gaga, presque autant que Reynaldo and the Loaf. Il s'agit de monsieur Guedalia Tazartes, qui se bonifie avec les années lui aussi, qui est actif depuis la deuxième moitié des années 70, notamment les fameux disques Diaspora et Transport, qui ont été réédités, de même que ces 5-6 albums classiques de la fin 70 à la fin des années 80. Et depuis les années 2000 et aussi 2010, c'est-à-dire depuis qu'il est à peu près à la retraite, il n'arrête pas de sortir disque sur disque, Monsieur Tezartès. Et là, on le retrouve dans un trio assez étonnant sur un disque aux éditions polonaises Monotype Records. L'album s'intitule Carp's Head. Il y a un très très beau chat sur la pochette de ce disque. Alors quelque chose me fait dire que c'est peut-être le propre chat de Guedalia Tezartès. Allez savoir. En tout cas, on écoute peut-être un titre un peu plus nostalgique, un peu plus tristoun que ce qu'on vient d'entendre. Le morceau Wild East Blues par le trio, le nouveau trio de Guedalia Tezartès et le disque Carp's Head. Je vous présenterai les musiciens tout à l'heure. Joe me rema, ujat, picat, abo, boom, stop. On va s'ensemble les choses. On va s'amuser comme ça. Sans la dilution, une séquence intentinée hard metal qui a démarré avec la musique plutôt blues exacerbée de Gedeïa Tazartes, qui jouait même de l'harmonica. Je crois que c'est lui qui devait jouer ce blues à l'harmonica aux côtés de ses deux camarades de jeu sur ce disque aux éditions Monotype qui vient tout juste de sortir sous le titre Carp's Head. Il joue aux côtés de deux deux musiciens polonais, Paweł Romanczuk, qui joue dans quantité de projets, notamment le groupe Male Instrumenti, avec lequel il a enregistré une dizaine d'albums. Alors je ne sais pas du tout ce que ça donne. Apparemment, il a aussi fait une genre de thèse sur l'histoire du piano jouet. Donc quelqu'un qui a collaboré aussi aux côtés de Pierre Bastien, de Piotr Kurek et quantité d'autres musiciens. Et le troisième larron sur ce projet Carps Head, c'est Andrzej Zaleski, qui apparemment fait autant des films que de la musique, notamment aux côtés de Charles Seward, Eugène Chadbourne, Sylvie Courvoisier, Komora A. Et je pense que c'est aussi lui qui est à l'origine du label Monotype Records. Les photos sont assez impressionnantes de leur trio en concert. Je pense que c'est une rencontre enregistrée en concert live qui vient tout juste de sortir en vinyle et en CD, avec un bonus d'ailleurs sur la version CD que vous obtiendrez si vous achetez également, si vous achetez le vinyle, vous aurez le CD en prime. Voilà. Et on a enchaîné avec un hommage rendu à Dominique Repeco, guitariste qui est décédé le week-end dernier d'une crise cardiaque à 61 ans. Dominique Repeco, qui est quelqu'un de très très important dans le domaine des musiques de traverse hexagonale et internationale, pour avoir été le fondateur du festival Musique Action et le directeur du CCAM de Vendeuvre Les Nancy, qui fut la première scène estampillée nationale en France, je crois, à la fin des années 80, et qui s'est battu toute sa vie pour les musiques expérimentales en tout genre, autant improvisées que free rock, que les musiques contemporaines, avec ce festival donc qu'il donnait tous les printemps depuis au bas mot une vingtaine d'années. Et Dominique Repeco donc nous a quittés. Il s'apprêtait à prendre sa retraite de ses activités de directeur du CCAM de Vendeuvre Les Nancy pour se consacrer à ses propres projets musicaux. Il avait repris du service notamment au sein du duo Les Massifs de Fleurs aux côtés de Frédéric Leginter. Ils avaient sorti un disque aux éditions Vendeuvre d'ailleurs, T'es pas drôle. Ils étaient passés aussi à Luz, au festival de jazz à Luz à l'été dernier. Et Dominique Repeco, il a commencé la musique à l'orée des années 80 dans des projets plutôt free rock noise, notamment le fameux 60 étages, qui s'est transformé progressivement en étage 34 pour redevenir un 60 étages. Donc des projets à géométrie variable aux côtés de différents camarades de jeu, notamment Daniel Koskowitz, batteur indéfectible de ces projets, donc 30 étages 34, 60 étages. Et là on écoutait une dernière production qui était parue au printemps de cette année sur la fameuse étiquette 33 rêves permis dont il s'occupait. Il s'agissait de pièces, une mallette en fait de bandes que 60 étages avait remis à l'électroacousticien Lionel Marchetti au milieu des années 90 pour en faire un mixage démontage en règle. Et donc on retrouvait Dominique Repeco aux côtés de pas mal de musiciens, et notamment quantité de jeunes musiciens tels que Bruno F, Hugo Roussel, Virginie Gabriel, Emmanuel Petit, lui qui a passé un peu toute sa vie à défendre les jeunes improvisateurs et expérimentateurs de tout poil. Voilà donc pour cet hommage et ce chapeau bas donné à Monsieur Repeco. On va continuer avec une jeune musicienne qu'on a découverte à l'occasion de son troisième album. Il s'agit de Léonore Boulanger, qui nous a sorti un disque qui nous a bien bluffé à la rentrée de cette année sous le titre Feigen Feigen, troisième album en date pour Miss Boulanger aux côtés de ses camarades Jean-Daniel Botta et Laurent Serriès. C'est paru conjointement aux éditions Le Soul, et le label allemand Anna Hoth était aussi de la partie. Je propose d'écouter un extrait de ce nouvel extrait plus exactement de ce très bon disque de Léonore Boulanger. Le morceau s'intitule Tournée.

obscène, incongrue, une véritable agression enterrée. C'était simplement sa conscience de lui-même, comme si les pensées étaient devenues agressives, méchantes, brutales, et restaient là sans défense, incapable de résister. L'intérieur retournait à l'air d'une façon écœurante, étrangement et odieusement. Matelas sur lequel il était couché a été enfoncé. Volupté, volupté, à l'angoisse et au bonheur comblé. Les rideaux trop courts par endroits, chassés de ce soulier qui faisait partie de lui dans les rameaux. La princesse chantait, tout cela était beau. Ci ricordassi del tempo felice nella miseria. Nessun maggior dolore ci ricordassi del tempo felice nella miseria. Nessun maggior dolore, nessun. Wenn das, was wollte hin, deutsche Sprache zu schreiben wagt, ohne ihres Atems einen Schmerz zu verspüren. Irgendwie von einem metaphysischen Anstoß aus dem Welt. Sonorités d'automne dans Les Îles Le Plus Sûres qui ont démarré avec le dernier opus de Léonore Boulanger qui s'intitule Feigen Feigen, qui est plutôt assez enjoué, ce disque plutôt très réussi dans un registre un peu post allez, Brigitte Fontaine pour faire simple au niveau de sa voix et de ses textes et du côté farfelu de Miss Boulanger avec un côté assez ethnique et expérimentale aussi dans la musique. Elle est accompagnée de messieurs Laurent Sériès et Jean-Daniel Botta pour cet album aux éditions Le Soul, le bien nommé, et Anna Hoth. Et on a enchaîné avec un autre opus de Léonore Boulanger, toujours avec ses musiciens et en compagnie d'un musicien iranien qui répond au nom de Mamli Merati. C'est une production de l'excellent label belge Okraina Records, un double 25 cm, donc un disque long en deux petites galettes avec une très très belle pochette d'illustration. Apparemment, Léonore Boulanger et monsieur Lim Merati se sont rencontrés à Paris en 2011 lors d'un concert du virtuose d'Azerbaïdjan Alim Kassimov, et aussi par l'intermédiaire de la fille de Alim Kassimov, Fergana Kassimova. Et donc ils ont commencé à travailler ensemble, le musicien iranien étant quelqu'un qui a collaboré notamment aux côtés de Jean-Claude Carrière et de pas mal d'autres gens. Il a travaillé avec des artistes tels que la chanteuse Sharam Nazeri et aussi donc Jean-Claude Carrière pour un projet de mise en musique de la poésie perse soufie du XIIIe siècle. Et donc c'est un disque plutôt dans le registre très très très classique de la musique persane qu'on pouvait entendre du côté de l'Iran et aussi de la Turquie, avec les modes radif. Et Mam Li Merati utilise sa voix et aussi un sitar ainsi qu'une kamancha. Et quant aux musiciens qui accompagnent Léonore Boulanger, ils sont plutôt Bendir Ngoni et aussi à l'harmonium et à l'orgue, comme pour le titre qu'on entendait, qui était peut-être le morceau le moins dans la tradition. Et je ne sais pas trop comment elle fait Léonore Boulanger pour se retrouver dans ce genre de projet et chanter la poésie perse aux côtés de ses grands protagonistes. En tout cas, elle se sentir très très bien sur ce disque La Maison d'Amour aux éditions Okraina Records, qui est un label qu'on a suivi depuis quasiment les débuts pour quantité de projets très très très chouettes, notamment les folk songs de Héloïse Decaze et Delphine Dora, très très réussies. Et on a enchaîné avec cette même Delphine Dora, et cette fois-ci son dernier opus en date qui s'intitule Le fruit de mes songes. C'est une cassette et téléchargement aux éditions Bézirk. Et on retrouve la donzelle qui, elle, a un côté un peu plus nostalgico-gothique, avec un côté aussi un peu islandais façon Laono ou Islaya, à la voix et accompagnée par ses différents claviers, piano, orgue et aussi pas mal de Field Recordings. Le disque est assez envoûtant, je dois dire, à l'image du titre qu'on entendait, le morceau Volupté à l'angoisse, extrait de ce Fruit de mes songes de Delphine Dora. On va continuer toujours dans un certain onérisme avec le père Pierre Bastien, musicien exilé à Rotterdam depuis 20-25 ans, qui sera à Rennes pour une performance au Bon Accueil pour le finissage de l'exposition du Bon Accueil qui se tient actuellement du côté du parc des Tanneurs, pas très loin de la rue en fait, qui remonte ou qui redescend comme vous préférez entre la rue d'Entrain et la rue Saint-Malo. Et donc ce parc des Tanneurs accueille l'exposition The Ghost in the Machine, dans laquelle vous pouvez admirer des machines de Luc Géram, Alexander Kolkowski, Tilman Kunzel et Lucas Grandin, ainsi que Pierre Bastien. C'est visible jusqu'au 4 décembre, ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h, et le dimanche également c'est ouvert entre 15h et 18h. Et je propose, pour marquer cette venue de Pierre Bastien, d'écouter un titre inédit, un morceau qu'il vient de poster sur la compilation du label Impolisson No Trumps, qui est un work in progress proposé par notre camarade Denis Tagu, que nous avions reçu il y a de ça quelques semaines dans les îles le plus sûr, dans une compilation No Trumps. Allez savoir pourquoi. Denis a proposé à différents musiciens sur internet de poster des titres sur son bandcamp impolisson.bandcamp.com, et donc il y a déjà 8 morceaux, ça augmente jour après jour. Donc si vous êtes intéressé pour proposer un titre dans cette thématique No Trumps, n'hésitez pas à prendre contact avec le label Impolisson, impolisson.free.fr. et donc on écoute le titre Trumpet, puisque tous les morceaux se nomment Trumpet sur cette anthologie, ce florilège, devrais-je dire, No Trumps, la compilation de vos rêves. On écoute ce morceau de Pierre Bastien, si ça part, puisqu'on a quelques petits soucis d'internet ce soir. Donc on écoute le titre de Pierre Bastien quand il voudra bien se lancer, toujours dans le registre piston et autres pneumatiques que le fameux Bastien sait très bien faire. Et bon, donc juste pour vous dire qu'il y a aussi Tagubu, Klimperai et Jean-François Pauvros dans les gens assez connus sur cette compilation No Trumps, et puis pas mal d'autres. Thank you. And then On est toujours dans les musiques qui font un peu frémir dans l'Asile le plus sûr, avec tout d'abord la pièce de Pierre Bastien pour cette compilation de vos rêves ou de vos pires cauchemars, No Trumps Compilation, avec à ce jour 8 morceaux, un work in progress proposé par le label René Impolisson, une compilation donc à laquelle vous pouvez contribuer en ligne en prenant contact avec Denis du label Impolisson. Vous aurez les références d'ailleurs sur le blog de l'émission pour le label Impolisson. Et on a continué avec le projet My, projet solo du Romain Tony Curtron ou Cutrone, qu'on avait découvert avec un très bon et un très beau aussi maxi sous le titre Petra, qui était sorti l'an dernier au mois de juin. Et donc My qui revient avec un disque comme toujours d'inspiration un peu antique. L'album s'intitule Fille avec la lettre grecque et c'est sorti sur étiquette Boring Machines, l'excellent label de Trévise en Vénétie de Monsieur Onga, à qui nous avions consacré une spéciale à l'été dernier à la fin du mois de juillet, qui est d'ailleurs réécoutable en ligne sur le blog de l'émission. Et My, bon, ils ont sorti plusieurs mini-albums et albums longs aussi aux éditions Boring Machines, tout autant que Yerevan Tapes. Et une des compositions de Tony Cutrone était aussi se retrouvait aussi sur la fameuse compilation des musiques qui font peur, Nostra Signora della Tenebre, avec un cover d'une BO d'un film de Lucio Fulci. Voilà, on va continuer l'Asile obscur avec tout autre chose et une musique peut-être un peu plus expérimentale, improvisée, la rencontre entre la violoncelliste assez abrasive Ok Yung Lee et le platiniste d'origine suisse qui vit à New York, de même que Ok Yung Lee je crois, Christian Marclay. Alors ces deux là on les avait déjà rencontrés dans les séries de rencontres qu'avait propulsé My Cat Is an Alien. C'était un disque qu'ils avaient enregistré live au Tonic il y a de ça une dizaine d'années, et ils ont remis le couvert avec cet enregistrement en concert capté le 25 avril 2014 pour être très très précis. Ça devait être à 21h30, allez, on va dire ça, au Café Auto de Londres. Et donc ça donne lieu à un disque sous le titre Amalgame. C'est une pièce unique de cette session, donc une session d'une trentaine de minutes, et ça fait toujours beaucoup de bien de réentendre la musique de Monsieur Marclay, toujours très inspiré dans ses duos d'improvisation avec des gens très très virtuoses tels que Ok Yung Lee. On écoute le démarrage de cette pièce Amalgame qui vient tout juste de paraître aux éditions Northern Spy. Ha ha ha! be 10, 42, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 10, 42, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 10, 42, and 50 seconds. Third stroke, it will be 10, 43, precisely. Hello? The different piece of art is good. What if that theatre's at full cooking temperature, 300-400 Fahrenheit? The juices are browned off for all surfaces, and all juices are Hello. Hello. Stew pigeon. Same stew partridge below, but the pigeons are split in half. Stewed rabbit, the same measures, quantities of meat, the stewed beef. The rabbit is cut into small pieces on the bone and stock with advantage being. When buying rabbit, get double the quantity given in the table on page 28 to allow for bone. Frying and grilling, the method and quantities are the same as for stewed beef. Page 28. Immersion in hot liquid, contact with hot metal, radiation and the application of the health of hot air. Fried kidneys, split kidneys. It does not greatly matter whether they come clean in half or remain joined by a slight hinge, and remove the very thin outer membrane. For cooking times, see the table on page 59 to 60. Fried liver, only the very best liver, which is calf's liver, should be used. All others are apt to be tough and or of inferior flavour. Have the butcher slice the liver for you to the thickness you want. Normally this is a quarter, half an inch, but many people like their liver well done on the outside and underdone in the middle. See note on grilled beef steak, page 43. In this case, have the liver cut 3/4 inches thick. Both methods allowed for the timetable on page 59 to 60. Runner beans. With a small, very sharp knife, peel off the rather tough outer edge right around the pod. Then cut the pod into thin, transverse slices. Note that you cook and eat pods, seeds, and all. Huh? This is an unusual vegetable, but a very delicious one. Now this technique can only be practiced if the vegetables are cut down to small pieces, or are small already like peas. With a large object, it isn't possible. A thing like a whole cauliflower, for instance, must be cooked in a lot of water and it takes a long time and the flavour spoils. A tuber, the globe artichoke or true artichoke, is a flower of the thistle type, consisting of a heart or base, French formed, surmounted by a mass of thistle-like seeds, the whole enclosed by a mass of dark green feathers, each with a fleshy base. No spite and malice, Margaret, again. We have a few close friends. We see a lot of the Gregory Pecks, more of them than anybody else. We go to bed sometimes at 8, sometimes at 12. In my view, there's nothing worth doing once it's got dark. What is a sword? Who needs nightclubs? Back on page 233, I explained how a soup, a thick soup, that is to say. Et voilà donc une séquence pour le moins pataphysique qui a démarré avec Ok Young Lee et Christian Marclay avec un extrait de ce disque Amalgame aux éditions Northern Spy, le retour de Miss Ok Young Lee qu'on avait laissé aux côtés de Chris Corsano et Bill Nace, et c'est tout aussi puissant et abrasif la musique en duo avec Christian Marclay et ce disque Northern Spy que quasiment tout ce qu'elle peut produire. Miss Ok Young Lee, qui est d'origine coréenne mais qui vit à New York et qui joue à peu près avec tout ce qui bouge dans le domaine des musiques expérimentales et improvisées. On a enchaîné avec un disque assez étonnant qui vient tout juste de revoir le jour, un disque aux éditions Sub Rosa, une réédition du projet Hastings of Malawi, et le disque Vibrant Stapler Obscures Caractéristique Growth. Rien que ça, donc, qui était un projet en trio assez obscur et underground du début des années 80 par trois Britanniques qui avaient fait partie de la première incarnation de Nurse With Wound aux côtés de Stephen Stapleton. Ils avaient contribué notamment à l'enregistrement du fameux Chance Meeting on a Dissecting Table of a Sewing Machine and an Umbrella. Et donc ces musiciens, notamment Pat Simmons, produisaient une musique un peu do it yourself, mi-punk, mi-concrète, mi-improvisée dada underground post-industriel. Je crois qu'ils avaient dû trop écouter aussi la musique de Jacques Bérocal, de ses projets parallèles et musique-musique des années 70, et quantité d'autres choses. Donc une sorte de collage sonore qui continue d'ailleurs derrière moi, deux pièces de 20 minutes qui revoient le jour, donc ce Hastings of Malawi. On va rendre l'antenne dans quelques instants, le temps pour moi de vous rappeler que cette émission est entièrement réécoutable, podcastable à partir de son blog asile35.blogspot.fr, et on se quitte avec un dernier titre extrait du tout nouvel album de Sébastien Roux dont on n'avait pas écouté la musique depuis fort longtemps. depuis quasiment une demi-douzaine d'années et qui revient avec un disque aux éditions Brocoli. L'album s'intitule Quatuor et ce sont donc des quatuors à cordes, le dixième quatuor à cordes plus exactement de Ludwig van Beethoven que monsieur Sébastien Roux qui officie en tant qu'ingé son à l'IRCAM a malmené dans tous les sens. La pièce a été enregistrée par Mathieu Bonilla à la flûte traversière, clarinette, violoncelle, cors français et percussion. Et monsieur Sébastien Roux en a fait une pièce électro-acoustique de très haute volée. Je propose d'écouter le Poco Adagio Allegro qui démarre ce disque quatuor de Sébastien Roux qui fera une très très belle conclusion à l'émission de cette semaine. Je vous souhaite une excellente nuit et une très très belle semaine. À bientôt. Oh! Thank you. send me to the ears to the wall. I hear, this music, music on the moor. Me girl is fed in the sunshine. Me girl is blind in the sunshine. So see the grass, it is greener, greener it is growing to the sweeter melody. No we dance with the girlies, no we sing with the girlies. Here it is, our old summery last with the lurkless song. Hark no nay, hear the wind is blast and the wind is strong. We have a hat, we have a long staff for to wander. I have but one leg, the other is a chanter. You belong with me girlies. You whistle soft with me girlies. Sit to rest, sit to rest, they come to say. I don't let us, I don't let us, they play for me. Run down, run down, play me girlies. Open down, happy girlies. Here it is, our old summery last with the lurkless song. Help me, girl, dance.